France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc le retour en direct de la panique au Mangin Palace, épisode 102. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 6 janvier 2008, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es trouillomètre à zéro, tu es claustrophobe ou agoraphobe, tu es croque-mitaine planqué dans le placard, tu es cimetière sous la pleine lune, tu es... Samy ! Et tu es aussi... Pourquoi ton peur ? Où se situe le centre de la peur ? Y a-t-il un centre de la peur ? Et là, on ne le sait pas encore. Et pourtant, on a toujours peur. Oui. Tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu n'es ni courageux, ni téméraire, tu as vraiment les foies. Alors, avec un baril à 100 dollars, une Benazir butée, une Geneviève de Fontenay toute énervée et l'ouverture de la chasse aux chômeurs, nous vivons une époque particulièrement anxiogène. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ainsi, à l'heure où ce monde merveilleux te fout parfois les chocottes, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin, durant 53 minutes, de t'offrir un joyeux voyage sonore au cœur de l'angoisse. Et pour commencer d'ailleurs, de l'apocalypse de Saint-Jean au JT de Jiquel, nous chercherons à comprendre les origines des grandes peurs collectives. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de comprendre pourquoi les plus téméraires d'entre nous sont eux aussi parfois paralysés par leur propre phobie. Et dans la foulée, justement, nous constaterons que notre super président a déjà rencontré la peur dans les rues de San Francisco, moment mémorable. Et d'ailleurs, nous le retrouverons, ce Nicolas Sarkozy, accompagné cette fois de Carla Bruni, lors de leur somptueux voyage en Égypte la semaine dernière, où ils ont dû affronter une effrayante momie. Et enfin, nous découvrirons que le réveillon du Nouvel An de Monique et Jean-Claude a pris les allures d'un authentique film d'épouvante où durant quelques heures, Grosboule-les-Bains est devenu Amityville. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et danse au bal des vampires. Why? C'est ce que se demandait le pétochard Jimmy Somerville et son Bronze qui beat en 1984. Bronze qui beat, un groupe qui n'a jamais eu peur de s'exposer au soleil, contrairement aux vampires qui, eux en plus, ont très peur de la goose d'Why. Quand rien n'est pire de mourir de la peur de mourir de la mort. Alors ce matin, pour cette première émission de l'année 2008, meilleurs vœux, hein, mais surtout, surtout la bonne santé. Parce que sans la santé, hein. Enfin bon, donc ce matin, la panique au Mangin Palace a décidé de s'intéresser à cette émotion qui te noue les entrailles et qui provoque tremblements et sueurs froides, à savoir la peur. Et pour commencer notre terrifiante exploration du monde de l'angoisse, nous allons analyser durant quelques instants les causes profondes de nos peurs collectives. En effet, les sociétés humaines sont régulièrement frappées de panique face à des dangers réels ou parfois supposés. Les raisons de ces angoisses sont nombreuses, mais l'une des plus fréquentes, évidemment, c'est la peur de l'autre, c'est-à-dire de l'inconnu, de celui qui ne vit pas comme nous, et cela, quelle que soit son apparence. On n'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin, on venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leur trou, mais ils ont poussé les verrous. Dans un accord tacite, ils ont fermé les contrevents, caché les femmes et les enfants, refusé la visite. Refuser la visite, car on a peur de celui qui est étranger, c'est un grand classique, très à la mode encore aujourd'hui d'ailleurs. Les peurs collectives sont donc souvent liées à la crainte de l'inconnu, à ce que l'on ne comprend pas. Et c'est également le cas devant les manifestations violentes de la nature. Intempéries, famines, mais aussi épidémies, comme la peste ou bien le choléra. Qu'est-ce qu'ils ont assommé comme ça? C'est pour appeler le docteur. Il est parti faire sa tournée, mais nous, depuis ce matin, on a au moins 5 malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les puits. Il y a des malades? Non, des morts, il y a des morts partout. Vous les avez touchés? Touchés, non, j'ai voulu les... Restez là, bougez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Le plus bon débarquement de choléra qu'on ait jamais vu. Comment ça se fait que ça aille si vite? C'est la faute des tanneurs, des curés, des juifs. Ah, le choléra est une saloperie, mais le reste est une saloperie encore pire. Les empoisonneurs de Fontaine. À l'empoisonneur! Là! L'empoisonneur! Et voilà. Là encore, l'empoisonneur, c'est l'autre, l'étranger. Celui qui n'est pas comme nous. Ainsi, nos ancêtres redoutaient les fléaux de la nature. Mais attention. Certaines sociétés du passé ne connaissaient pas la peur, et cela pour leur plus grand malheur. Comment font ces barbares pour toujours filer aussi vite? Oda enseigne que la peur leur donne des ailes. Qu'est-ce que tu racontes, cryptographe? Cette chose qu'on appelle la peur leur confère le pouvoir de voler. Ah non, c'était simplement une façon de parler pour vous dire... Imagine. Oui, imagine qu'on sache voler. Avec la peur qui donne des ailes, rien ne pourra nous résister. Nous allons crier à la face du monde que nous, les Vikings, connaissons la peur, que nous sommes les rois des lâches, les plus grands poltrons de la terre, de vrais froussards. Froussards, les Vikings, hélas non, ils n'ont jamais connu la peur qui leur aurait donné des ailes. Ainsi donc, la notion de peur peut évoluer selon les groupes humains, mais aussi selon les époques. Au XXe siècle, par exemple, la nature des peurs collectives a changé. Les progrès techniques ont éloigné la menace de famine et ont ralenti les épidémies. C'est l'industrialisation à tout craint et les guerres industrielles qui sont désormais facteurs des craintes de l'humanité. Le XXe siècle, c'est donc le berceau de nouveaux types de peurs. Notre époque, mon cher Ibémon, fut dominée par la peur du beau, par une peur panique de faire preuve de faiblesse en admettant la douceur et le charme. Cette crainte a conduit l'art sur des routes abruptes, parmi des fils de fer barbelés, et a ouvert la porte aux monstres. Qui, en 1956, oserait avouer préférer Ariane au Minotaure et une promenade en mer à une promenade dans le labyrinthe? Qui, je vous le demande? Personne. Et nous voilà de nouveau comme à cette époque où Raymond Radiguet m'a appris que le vrai héroïsme ne consistait plus à tourner le dos aux bourgeois, mais de le tourner à l'avant-garde. Son exemple m'aide encore à vivre et à préférer ma solitude à la morne farandole des intellectuels. La morne farandole des intellectuels. Ben ouais, mais c'est sans doute parce que ni Radiguet ni Cocteau n'ont eu la chance de lire BHL ou Finkielkraut. Ainsi donc, en s'affranchissant des sursauts de Dame Nature, les hommes du XXe siècle ont vu apparaître de nouvelles peurs collectives. Mais un point demeure obscur. Le développement massif des médias est-il simplement le vecteur de ces peurs, ou bien en est-il l'initiateur? Élément de réponse. TF1 20h avec Roger Gicquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Docteur Gicquel, il arrive. Toute la misère du monde. Il a dû être mazouté avec les autres oiseaux là-haut, dans les dégrasages. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur les pompes par Roger Gicquel. Vous voyez ? Toujours que des informations épouvantables. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes. Être obligé de manger des vieux, lousin. Une horreur. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Il faut donc combattre la peur, mais dans quel but? Eh bien, sans doute pour atteindre un peu plus de liberté, parce qu'être angoissé, ça empêche toute contestation. Quand on a peur, on est tétanisé, et celui qui nous fait peur a dès lors beaucoup plus de pouvoir. Et ça, ça marche bien, notamment à la veille des élections. Que de fois ai-je noté à la veille des élections, et particulièrement en 1974, à la veille des élections présidentielles? Les bruits qui rasent le sol, les bruits qu'on fait courir. Ah, si la gauche l'emporte, attention, vous aviez une petite maison, mais ils vont vous la prendre. Vous avez une retraite, ils vont vous l'arracher. Vous avez de l'épargne, ils vont vous la voler. C'est ce qu'ils disent, les autres. Il n'existe que par la peur qu'ils répandent dans l'opinion publique. Oh là, ça fout les jetons, ça. Mais bon, dans une démocratie qui fonctionne, normalement, on n'a pas besoin de faire peur pour être élu, non? Alors qu'avec une bonne dictature, ce n'est pas le cas, surtout quand elle possède l'un des plus beaux outils de terreur des temps modernes. Nous avons beaucoup insisté, mais nous n'avions pas besoin. C'est le président Moucharaf qui nous l'a dit avant tout. La réponse au crime, à l'assassinat et au terrorisme, c'est la démocratie. Tu te défends bien, jeune homme. La démocratie ne pourra jamais marcher au Pakistan. Depuis le début, le système ici n'est pas compatible avec la démocratie. Alors on lui a rappelé qu'un certain nombre d'événements n'avaient pas été très bien compris de ce point de vue. Et il en est convenu, nous avons parlé des prisonniers politiques, nous avons parlé de la liberté de la presse, nous avons parlé de tout ça. Impressionnant, tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. C'est un pays qui possède la bombe atomique, et cette bombe atomique ne peut pas, ne doit pas tomber d'entre n'importe quelle main. La bombe atomique est à l'origine des peurs collectives du siècle dernier, et se rappelle aimablement à celle de notre temps. Car si les peurs évoluent, elles conservent des points communs. Les terrifiants jeunes de banlieue qu'on nous montre à la télé nous sont présentés comme l'été les Apaches ou les blousons noirs. Peur sociale. Et aujourd'hui, ce n'est plus la famine que l'on craint, mais plutôt la vache folle ou les OGM. Toutes ces peurs sont un peu comme un chant qui obsède, lancinant et obscène, et tous les signes d'alerte disent attention. Comme un chant qui m'obsède, lancinant et obscène, tous les signaux d'alerte disent attention. Ton âme me possède, mais en moi je réfrène, mille pulsions secrètes, mille démons. Ta résistance m'attise, j'en brise le mécanisme. Tu. envie. La morsure du souvenir reviendra t'envahir. Et je deviendrai à mon tour ton obsession. Obsession, c'est celle d'Étienne Dao sur son dernier album intitulé L'Invitation. Alors qu'en montagne, la plus grande peur du Dahu, son obsession fatale quoi, eh ben c'est qu'on l'oblige à se retourner. Alors, bien entendu, la clepsydre du Mangin-Pala s'égrène irrémédiablement le temps qui passe. Elle nous indique d'ailleurs qu'il est désormais 11h21, et après avoir tenté de décrypter les grandes sueurs froides collectives, eh bien, voyons ensemble maintenant quelles peuvent être les vertus de la témérité face à l'angoisse. Oui, mon ami, comment peut-on lutter contre sa propre trouille ? Cornes et pieds de bouc, cheveux hirsutes et oreilles pointues, sexe en érection permanente. Connais-tu ce dieu grec qui s'appelle Pan ? Eh bien, il est à l'origine du mot « panique », manifestation humaine de la colère de Pan. Une crise de panique se caractérise par une peur intense et brusque. Il suffit par exemple que l'objet d'une phobie se manifeste dans la vie d'un individu pour qu'il soit immédiatement tétanisé. Les phobies sont multiples bien sûr, et parfois les remèdes pour échapper à l'angoisse qu'elles suscitent ne sont pas évidents. Sais-tu par exemple que les apopato-diaphylatophobes, autrement dit celles et ceux qui ont la trouille d'être constipés, sont dans l'obligation pour s'apaiser de surconsommer des produits laxatifs. Franchement, tu imagines ce que peut être une vie à gober des trajets FUCA ? Un enfer. Alors que faire ? Le mieux bien sûr, c'est de parvenir à surmonter ses propres angoisses, à leur faire face, à les dominer, pour devenir ainsi un être téméraire qui ne connaît plus l'effroi, tel un chevalier. Sans peur et sans reproche. Il était belle, il était brave, il sentait bon l'acier trempé. Je sais, je viens de la campagne, tu penses que j'ai pas la carrure, mais François Bérou, il va tous les niquer. Il s'appelait Pierre Terrailles, était seigneur de Bayard, un petit fief du Dauphiné, gros tout juste d'un donjon, d'un peu d'herbe et d'une belle mémoire. Bientôt le boss, ce sera moi ici, ce sera moi le président. Tout ça, ça va être à moi. Bayard a été éclipsé par sa devise, qui d'ailleurs ne fut pas qu'à lui. Sans peur et sans reproche. Ici bientôt ce sera chez moi. C'est comme ça, t'y peux rien, François Bérou est lancé. De lui en effet, nul portrait vrai. Peu décrit, mais une omniprésence légendaire qui en a fait la fine fleur de la chevalerie française. Très bien. Seulement voilà. Pour devenir la fine fleur de la chevalerie française, tel François Bayard l'intrépide, il faut dès son plus jeune âge apprendre à maîtriser ses angoisses. Car contrairement aux idées reçues, l'univers de l'enfance n'échappe ni à la trouille, ni aux sueurs froides. Dans le monde de l'enfant, la peur est presque toujours proche. Elle est présente, vivante, pénible. Jojo, regarde-moi. Je parie que t'auras peur. C'est pas un martinet, ça. Ça va cingler, ça va saigner sur tes petites fesses. Elle motive ses actes, elle préside à ses réactions, à ses rêves, à ses jeux, à son imagination. Oh, il arrache les lanières, il casse le manche. Le flaton Martinet, les lanières t'en fera des lancers. Elle atteint même, en leur donnant une couleur particulière, les relations que l'enfant établit avec le monde extérieur, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Oui, l'enfant doit apprendre à ridiculiser l'objet de sa peur. Plus il imaginera le croque-mitaine comme un gros tocard dans son placard et plus le môme repoussera les limites de ses angoisses. Ainsi, une fois devenu adulte, l'individu se souvient quand il est en danger et que l'angoisse le saisit qu'il faut avant tout démystifier sa peur. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir du monde tout plein. Quand je suis dans la solitude, comme les Anglais, j'ai le spleen. Alors je me suis fait moi-même une famille au régiment, en donnant un nom de baptême aux objets de mon fourniment. C'est un truc que j'ai lancé, dame, il fallait y penser. Ma bouffarde, c'est Victorine, le masque à gaz, c'est Gaston, ma gamelle, c'est Ernestine, mon flingot, c'est Cupidon, ma cartouchière, c'est Pichenette, mon calot, c'est Baptiste, ma capote, c'est Nénette, mon bidon, c'est Rintintin. Ainsi jamais je ne m'ennuie, pour me distraire j'ai le choix. Grâce à toute cette compagnie, j'ai du monde autour de moi. Cela dit, il arrive parfois que l'angoisse nous submerge malgré tout et que notre paralysie devienne totale. Oui, alors que nous sommes persuadés de la contrôler, cette peur qui se niche en nous, en réalité prospère sournoisement, telle une famille de phylloxéra sur une vigne bordelaise. Et là, bien qu'il soit trop tard, il faut savoir recourir à d'autres procédés pour repousser la trouille d'une situation effrayante à venir. Mes amis, mes bons amis, je vous ai réunis. Nous allons nous noyer dans le champagne et le whisky. Allez, youpi ! On va rire et chanter pendant toute la nuit. Et puis demain matin, je me rendrai à la mairie. Allez, youpi ! Allez, youpi ! Je vais me marier, Marie, et vous quitter Sophie, Marianne et Virginie. Oh, ne pleure pas, Marie, pas plus que toi, Véronica et Rebecca. Je renonce à vos caresses, à votre amour, à ma douce vie. Eh oui, là encore, joie de vivre et légèreté sont les meilleurs ingrédients de la témérité. En effet, bien souvent, seule une bonne distance de causticité permet de malmener sa peur. Malheureusement, il arrive régulièrement que cette digue cède sous les déferlantes d'une effrayante crise de panique. C'est alors que nous nous sentons aspirés vers les abîmes les plus profonds, pris au piège d'un tourbillon névrotique. Je meurs, quand je le sais. Oh, j'ai une tache au poumon. Allons, allons, allons, calme-toi, tu veux. Elle n'est pas au poumon, hein. Elle est sur l'oreille. Ouf, c'est la même chose, hein. Oh mon Dieu, je peux pas dormir. Non. Oh, ça y est, j'ai une tumeur à la tête, grosse comme un ballon de basket. Oh, maintenant, j'ai l'impression de la sentir à chaque battement de cils. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il veut me faire un scanner du cerveau pour confirmer ses soupçons. Oh, bon, je vais négocier avec Dieu, voilà. Alors, on limite ça à l'oreille, d'accord, hein. Je serai sourd, mais, et peut-être aveugle, mais aveugle d'un œil. Mais je veux pas d'une opération du cerveau, un citrifouille dans mon crâne. Je vais finir comme le type avec son bonnet de laine, là, qui fait les livraisons pour le fleuriste. Allons, détends-toi, tu veux, détends-toi toute ta vie. Tu as connu les médecins, ça s'est toujours très bien terminé, hein. Alors maintenant, dans l'espoir de nous rassurer, justement, nous allons constater qu'en réalité, personne n'échappe au sentiment de la peur, même ce dont la réputation pourrait s'inscrire dans la plus noble tradition de la chevalerie française. C'est ainsi, par exemple, que nous allons apprendre dans quelques instants que même M. Sarkozy, héros de l'audace et du courage, a déjà eu la trouille une nuit dans les rues de San Francisco. On découvre cette petite perle, extraite de l'oreille en coin, juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Les Américains sont des gens très bien organisés et l'ambassade des États-Unis en France a tout un service qui surveille les formations politiques, soit de gauche ou de droite, et qui repère ceux qui sont censés pouvoir avoir quelques responsabilités demain, après-demain ou encore plus tard. Et ceux-là qui sont choisis sont invités à faire un voyage aux États-Unis. Moi, j'avais demandé de participer à une nuit de surveillance dans une ville difficile pour voir comment les problèmes de police et de sécurité étaient traités. Nous sommes à San Francisco, et dans la banlieue de San Francisco, il y a une ville de 300 000 habitants qui s'appelle Oakland, qui est la ville la plus criminogène des États-Unis. C'est tout à fait invraisemblable. Il y vit des communautés raciales extrêmement différentes. C'est pas drôle du tout, d'ailleurs. C'est une ville qui est dans une situation catastrophique. Et, de génération en génération, ils sont au chômage. Et ça génère une criminalité extravagante. Nous partons à 7 heures du soir. J'étais accompagné de mon directeur de cabinet, Brice Hortefeux, qui est ici présent. Nous partons tous les deux dans une des voitures de police. Ça commence mal, la soirée, parce que les policiers aux États-Unis sont tout seuls dans la voiture. Je monte à la place avant droite. Il y avait à cette place-là un fusil, un shotgun 12 coups, énorme. Je ne suis pas chasseur. Et ça commence très mal parce qu'on commence par nous faire signer une décharge de responsabilité. Mais oh, c'est oui, c'est impressionnant. Si nous arrive quelque chose, bref, le gouvernement américain n'est pas responsable puisque c'est nous qui l'avons demandé. Donc on part avec cette voiture. Tout se passe bien, à peu près, jusqu'à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, il y a un appel radio. Un homme avait pris en otage sa femme, menaçait de la tuer. Nous arrivons les premiers. J'aime mieux vous dire que Oakland de jour, c'est sinistre, mais Oakland de nuit, je ne vous recommande pas. On arrive dans ce quartier, c'est un quartier des petites maisons délabrées, et on entend avec une chose des coups de fusil. Ce n'est pas très rassurant. Mon directeur de cabinet, qui est en même temps un ami, commence à dire quelle idée il a eue de venir m'accompagner. Et là, à notre inextricable horreur, ce policier qui était grand comme une montagne, comme savent l'être les Américains, se précipite hors de la voiture pour aller voir ce qui se passe dans cette maison. Il était très courageux. Il sort son pistolet et il nous laisse tous les deux, le directeur de cabinet et moi, seuls dans la voiture à 2 heures du matin à Oakland. Et la vérité m'oblige à dire que nous étions très peu rassurés. Et voyez-vous soyons sincères. Très sincères. On avait franchement la trouille. Et voyez-vous comme la nature est différente. Car nous avons eu, mon directeur de cabinet et moi, des réactions extrêmement diverses. Lui m'a dit, j'en ai marre de cette histoire. Il a sorti de la voiture, il a pris ses jambes à son cou, il a été se cacher dans le porche d'un immeuble. Je l'aurais bien suivi, mais j'avais encore plus peur d'être tout seul dans la rue. Je me suis donc aplati sur le sol de la voiture en attendant que ça passe. Ça a été une période très difficile, ça a duré au moins 35 minutes. Ce n'était pas à la gloire de la France et de ses représentants. The Man With No Soul, une petite merveille Frenchie composée par Wax Taylor, parce que dès lors que tu n'as plus d'âme, tu es waxiné contre la trouille. Alors, pour prolonger notre épouvantable exploration du monde de l'effroi, la panique au Mangin Palace a voulu te révéler ce matin l'ébouriffante aventure qu'a vécue Nicolas Sarkozy il y a quelques jours en Égypte. Notre discret président, sans cesse harcelé à son corps défendant par la presse et les paparazzis, a donc passé les fêtes de Noël sur les bords du Nil à Louxor. Tout simplement parce que, comme il l'avoue lui-même... J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent au bar du Luxor. Regarder danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Nicolas Sarkozy, qui adore les voyages, a fait comme tout à chacun. Il a emprunté le jet privé d'un pote milliardaire pour aller passer quelques jours dans un palace luxueux sous le soleil égyptien en compagnie d'un top modèle. Très banal et somme toute très sobre tout ça. Et à peine arrivé devant le Old Winter Palace à Luxor, Nicolas Sarkozy a remarqué que pour sa visite, les trottoirs venaient d'être repeints, dis donc. Mais Nicolas ne sait pas trop comment on doit marcher sur des trottoirs repeints, ce à quoi habitué des podiums. Carla Bruni lui conseille de... Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Franchement, elle est top classe, Carla. Nicolas Sarkozy marche donc comme un Égyptien, ce qui lui fait d'ailleurs un très joli profil. Et c'est de cette manière que le 26 décembre dernier, tous les deux se sont rendus dans la vallée des rois pour visiter la tombe de Séti Ier, le père de Ramsès II, ouverte exceptionnellement pour lui et Cecilia Bruni. Enfin, Carla, quoi. Depuis 1979, aucun touriste n'avait pu visiter le tombeau de Séti Ier. D'ailleurs, Christian Leblanc, un archéologue français faisant office de guide, les a prévenus. Attention à la malédiction de la momie. Le tombeau est sombre et seule la lampe frontale leur permet d'avancer dans ce labyrinthe minéral. Soudain, Carla Bruni commence à avoir peur. Mais pas du retour de la momie, non. Carla, qui s'est goinfrée de falafel aux fèves, redoute le pire, la tourista. Ça me fait peur à l'intérieur. Si je meurs, si tu meurs. Ça me fait peur pendant des heures. Quand j'y pense et j'y pense. Carla Bruni se précipite donc fissa dans un corridor isolé, suivi de près par Nicolas Sarkozy qui veut absolument l'aider. Sauf que là, ils se sont paumés dans la tombe de Séti Ier. Carla essaie bien de s'isoler, mais Nicolas la suit partout. Cessez de faire ça. De faire quoi? De faire ça. Mes mains sont sales. Les miennes sont sales aussi, mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur. Vous tremblez? Mais non, je tremble pas. Je vous plais parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie. J'aime les hommes gentils, c'est vrai. Je suis un gentil vaurien. Soudain, le gentil vaurien sursaute. Nicolas Sarkozy est tétanisé car face à lui, dans la pénombre de la tombe, se dresse un être desséché, couvert de bandelettes, un monstre venu de l'Antiquité. Une véritable momie le regarde fixement. Et subitement, comme dans un scénario d'épouvante, la momie, les bras tendus en avant, s'adresse à Nicolas Sarkozy. On m'a dit que t'avais fait le Zorro en Libye, mais que tu t'étais fait balader par Kadhafi. On me dit que tout le monde te déteste en banlieue, parce que sur les Brest t'as attisé le feu. Mais non, ce n'est pas vrai, hurle Nicolas Sarkozy. Tout ça, c'est faux. Sauf que la momie repart de plus belle. On m'a dit que t'avais supprimé les retraites et que la France que t'aimes tient au bar du Phuket. On me dit que tu veux ghettoiser le pays et que dans l'Hexagone y a une ambiance moisie. Pourtant quelqu'un m'a dit qu'on t'aimait encore. Y a quelqu'un qui me l'a dit que on t'aimait encore. Serait-ce possible alors? Comment est-ce possible alors? Nicolas Sarkozy est complètement paralysé. Il n'ose plus faire un geste face à cette terrifiante momie. Misère, qui peut bien frapper à la porte? Misère, que devons-nous faire? Dois-tu constamment avoir peur de tout et de rien? Eh bien, je suppose que ça dépend de si c'est très effrayant ou pas. L'archéologue qui leur sert de guide est donc revenu auprès de Carla et Nicolas. Avec sa lampe, il éclaire le coin que lui désigne tremblant notre président. L'archéologue ne voit rien. D'ailleurs, cette tombe ne contient plus de momies depuis bien longtemps, lui explique le guide. Et c'est au pas de course que nos touristes de luxe quittent la tombe pharaonique. Après leur angoissante mésaventure, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont rentrés à Paris, le 31 décembre donc, afin que Nicolas présente ses meilleurs vœux à la France entière. Mes chers compatriotes, en ce 31 décembre, au terme d'une année si pleine pour notre pays, je sais les craintes que beaucoup d'entre vous éprouvent. Je sais l'angoisse qui vous étreint. Quand vous avez peur ou quand vous craignez, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Avec 2008, eh bien c'est une deuxième étape qui s'ouvre. À chacun, je veux adresser un message d'espérance. Urgence, urgence, urgence, urgence, urgence, urgence, urgence. La France a peur. Tous les soirs à 20h. La France a peur. La France a peur tous les soirs à 20h, c'est tout de même un peu exagéré, puisque tout va bien, comme chacun a pu le constater. Le chômage diminue comme jamais, le pouvoir d'achat augmente et tout le monde porte des Rolex désormais. D'accord, il y a bien une momie enfermée dans son tombeau en Égypte qui râle un peu, mais avec autant de succès qu'un leader socialiste. Alors bon, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Ainsi, pour Nicolas Sarkozy, le bilan de 2007 est assez simple. Je suis là. Alors, depuis sa mésaventure avec la momie, Nicolas Sarkozy, toujours dans la modération et la discrétion, s'est rendu à Petra, en Jordanie, pour un nouveau week-end de luxe, calme et volupté qui amuse toutes les gazettes people du monde entier presque autant que les mésaventures de Britney Spears. Sauf que là encore, pour Nicolas Sarkozy, l'épouvante se poursuit. C'est tout d'abord une chauve-souris qui se met à voler au pied de votre lit, puis des serpents visqueux et froids se glissent en rampant dans les draps. Du traversin sortent en sifflant des éléphants nains et des scorpions géants. Vous allumez, c'est encore pire, devant vous se dresse un vampire. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse bête-là? Allez, couchez la grosse bête-là. Allez, puis vous l'hameton-là, ôtez votre main. Décomposé, paralysé, l'angoisse vous étreint, vous êtes terrorisé. Dans votre crâne qui semble éclater, une voix se met à hurler. Il y a du sang, des masques noirs, des monstres grimaçants. Et sur les murs courent des rats, des araignées, des cancrelats. Il y a des cadavres plein la penderie et des squelettes en itsy bikini. Et tout à coup, une tête de mort vous attrape l'oreille et vous mord. J'ai jamais eu si peur. Faut que j'appelle quelqu'un. Faut que je bois un verre d'eau. Vous êtes au bord de la folie et votre corps n'est plus qu'un vieux débris. La mort arrive, élève sa faux. Vous vous réveillez en sursaut. Tout ça parce qu'hier soir, dans une salle des boulevards, vous avez voulu voir le dernier film choc d'Hitchcock. Psychose, analysée par le facétieux 11 Lagures Pompeur Nickel, alias Mr. Jean-Yann, qui rendait hommage au maître de l'angoisse en 1960. Parce qu'Alfred Hitchcock, il sait vraiment te filer la chair d'Hitchpool. Oh là là, oh ma mère, aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, oh là là là là. Alors maintenant, afin de prolonger notre transpiration de sueur froide, il est grand temps à 11h44 de retrouver nos deux héros de la panique, les éternels froussards Jean-Claude et Monique. Et figure-toi que les dernières heures de l'an passé se sont révélées très étranges dans cette petite bourgade de Gros-Boules-les-Bains. Lundi dernier, le 31 décembre, toute la petite famille était en train de préparer le réveillon puisque cette année, Monique avait décidé que la fête aurait lieu chez eux. C'est ainsi qu'en fin de matinée, Jean-Claude est sorti pour acheter une grosse bourriche d'huîtres. Et sur le chemin du retour, dans le tramway qui le ramenait à la maison, le Jean-Claude a fait une drôle de rencontre. Un type étrange qui portait un chapeau mou et qui visiblement regrettait l'absence de quelques plaisirs nocturnes. Quand je sors la nuit, comme je voudrais frissonner de cette angoisse qui fait se signer les vieilles femmes le long des murs des cimetières et se sauver les derniers superstitieux devant les vapeurs étranges des marais et les fantasques feux follets. La vraie peur a disparu de la terre car on a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. Les dangers visibles peuvent émouvoir, troubler, effrayer. Qu'est-ce là auprès de la convulsion que donne à l'âme la pensée qu'on va rencontrer un spectre errant, qu'on va subir l'étreinte d'un mort, qu'on va voir accourir une de ces bêtes effroyables qu'inventa l'épouvante des hommes. Les ténèbres me semblent claires depuis qu'elles ne sont plus hantées. Un brin trouillard, Jean-Claude décide alors de descendre du tramway quelques stations avant la sienne. Sans dire un mot, il salue poliment ce type bizarre et termine le chemin à pied jusqu'à la maison. Seulement voilà, en fin d'après-midi, Jean-Claude s'est assoupi dans le sofa pour une petite sieste réparatrice. Quand tout à coup, Monique sursaute. Qu'est-ce que tu as ? J'ai fait le plus horrible cauchemar qu'on puisse faire. Le rêve le plus abominable que j'ai jamais fait. Ça va, c'est fini maintenant. C'est fini. J'ai rêvé que je vous tuais. Mais je ne faisais pas que vous tuer. Je vous découpais en petits morceaux. Monique est effrayée par l'angoisse que dégage Jean-Claude après son cauchemar et elle tente en vain de le rassurer. C'est alors que Jean-Claude lui raconte qu'il a rencontré ce type bizarre ce matin et qu'il était également dans ce rêve terrifiant. Présente, elle aussi, dans le salon, leur fille Elsa ne peut alors s'empêcher de réagir à son tour. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. C'était quoi ton cauchemar ? Il y avait un mec avec un vieux pull vert et rouge. Et tu as vu ses ongles ? Oui, il arrêtait pas de les faire crisser sur tout. C'était pas des ongles ni des griffes, c'était carrément des lames de couteau qu'il avait au bout des doigts. J'oublierai jamais le bruit que ça faisait. Ça faisait comme ça. On a fait le même cauchemar, toutes les deux. Non, c'est pas possible. Quoi ? Non, rien. Y a quelqu'un dans la cour ? J'ai rien entendu. Si, j'ai entendu du bruit. Il est 18h, et désormais la nuit est tombée sur Gros-Boules-les-Bains. Au loin, on entend un clébard qui hurle à la mort. Mais y a-t-il quelqu'un dans la cour, bon sang ? Monique, Jean-Claude, Elsa et Rémi sont soudainement envahis par une terrible angoisse collective. Leur maison est un peu isolée et leurs invités n'arrivent que dans 2 ou 3 heures. Monique demande alors à Jean-Claude de sortir pour faire le tour de la maison, histoire au moins de rassurer les mômes. Mais bon, Jean-Claude doit bien lui avouer que... C'est pas... Voilà maintenant que des corbeaux entourent la maison. Refusant de céder à la panique, Monique décide enfin de prendre les choses en main. Et une fois dehors, elle constate très vite qu'il n'y a personne, bien entendu, autour de la maison. Il faut donc immédiatement arrêter cette psychose familiale. De retour dans la cuisine, Monique constate avec joie que Jean-Claude vient d'ouvrir les huîtres. Mais qu'il est en train d'expliquer à leur môme ce qu'il a ressenti devant ces pauvres mollusques bivalves. Vous savez quelle est la chose la plus effrayante qui existe ? C'est la peur. Alors, j'ai fait une chose très simple. Quand elles sentaient la pointe de cette lame toucher leur gorge, elles savaient alors que j'allais les tuer. Et je leur faisais regarder leur propre mort. Je leur faisais voir leur propre terreur. terreur quand la lame s'enfonçait. Et si la mort a un visage, elles l'ont toutes vues. Monique est folle furieuse et exige de Jean-Claude qu'il cesse immédiatement d'entretenir cette atmosphère d'épouvante débile à la maison. Surtout le soir du réveillon, merde. Elle dit alors à Rémi et Elsa d'aller au salon pour se mater tranquillement un DVD avant que les invités n'arrivent. Quand brusquement, à peine devant la télé, Elsa sursaute. Allô ? Allô ? Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil ? Pourquoi qui, demandez-vous ? Je suis à quel numéro ? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Ben non, je ne sais pas. De toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment ? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, au revoir. Non, non, attendez, ne raccrochez pas. Quoi encore ? J'ai envie de vous parler. Qui êtes-vous à la fin ? Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit ? Du pop-corn qui grille. Moi, je n'en mange qu'au cinéma. Ben justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui ? Laquelle ? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur ? Uh-huh. Quel est votre préféré ? Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde. Elsa est totalement effrayée. Raccroche aussitôt et se met à hurler. Quelqu'un l'observe de l'extérieur, quelle horreur ! Jean-Claude est persuadé que c'est ce type bizarre qu'il a croisé ce matin dans le tramway et qui, sans doute, a dû le suivre jusqu'ici. Monique, prise de panique, veut appeler la police, bien sûr, mais d'un seul coup, toute la maison sombre dans l'obscurité, le courant est coupé. Les mômes se mettent à crier et Jean-Claude se précipite dans la cuisine pour attraper un couteau de boucher. Quant à Monique, elle vient d'apercevoir une ombre fugace dans le jardin. Ça suffit les conneries. Qui est là ? La peur vient d'envahir les esprits. Toute la famille est pétrifiée, tétanisée, ils tentent de se rassurer, bien sûr. Mais on vient de gratter à la porte d'entrée, comme si un crochet l'avait parcouru de haut en bas. Jean-Claude s'avance vers l'entrée, son couteau à la main, lorsqu'il décide d'ouvrir brusquement la porte. Et là, il aperçoit Freddy, son beau-frère. Il a eu peur, il a eu peur. Mais que tu es con, Freddy ! Hurle Jean-Claude. Les gamins sont morts de trouille et ta sœur est tétanisée. Imbécile ! Freddy reconnaît qu'il est allé un peu loin, mais bon, c'est le 31 décembre, merde, faut bien se marrer un peu, non ? Et puis, Freddy vient de leur offrir des sensations fortes. C'est ça qui est bien. C'est ça, ouais. Sauf que Jean-Claude, il aura déjà son compte d'épouvante ce soir, hein, en dînant avec sa belle-mère, là, la daronne de Freddy. J'ai la trouille quand je suis dans ses bras. Elle renifle, elle transpire, elle se gratte. Son dentier s'entrechoque, j'ai les foies. La nuit sans sa moumoute et ses dents à la main, elle filerait la colique à Frankenstein. Certes, Monique était folle furieuse, bien sûr, après son imbécile de frère. Mais bon, elle tenait tout de même à rappeler à Jean-Claude que c'est également de sa mère à elle dont il venait de parler, là. Bref. Fin de l'histoire, mais grosse ambiance à Grosboule-les-Bains pour cette merveilleuse nuit de la Saint-Sylvestre. D'autant que Monique n'a pas pu s'empêcher de se venger lorsqu'est arrivé son beau-père pour le dîner, le papa du Jean-Claude, bien sûr. Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant, moi, j'en connais un. Oh, qu'il est vilain. Si pour longtemps l'on se souvient du frisson qu'il vous donne, le vertige à côté n'est rien. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est vilain. S'il est passé par ici, coucou, il repassera par là et mettra la corde au cou, coucou, à toutes celles qu'il verra. Ne voulant pas le voir de près, pour le fuir, je me cache au plus profond de la forêt. Mon Dieu, qu'il est laid. Mais il revient et sans arrêt, à mes pas il s'attache. On dirait qu'il le fait exprès. Mon Dieu, qu'il est laid. Mon Dieu, qu'il est laid. Il est passé par ici, coucou. Il repassera par là et mettra la corde au cou, cou, cou à toutes celles qu'il verra. plus le même. Et comme il fallait une fin, je lui ai dit viens. Moi je t'aime bien. Moi je t'aime bien. Il est passé par ici, coucou. Il repassera par là. Oh qu'il est vilain. C'est ce que chantait en 1968 la starlette Brigitte Bardot, qui depuis est devenue un véritable film d'horreur à elle toute seule. Hein. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration des grosses frayeurs. Des sueurs froides aux chaleurs de Louxor, de la pétoche du Cocteau aux chocottes du Jean-Claude et de Sauf qui peut à Courage Fillon, nous t'avons offert ce matin un panorama effroyablement incomplet et horriblement subjectif de tes paniques, bien sûr. Et pour finir, comme l'a dit Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Alors tentons de nous rassurer pour cette nouvelle année. Car sais-tu que nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir dans les mois qui viennent. Regarde, tu as été terrifié par le divorce ? Tu vas adorer le mariage. Tu as eu peur que les socialistes disparaissent ? Eh bien, ils vont tous entrer au gouvernement. Et puis, voilà 8 ans que W. Bush te foutait la trouille. Eh bien, cette année, c'est fini. Et enfin, tu craignais de gagner moins ? Eh bien, tu vas travailler plus. Alors oui, vraiment. Que cette année qui commence soit heureuse pour chacun de nous. Que tous ceux à qui l'on pense réalisent leurs vœux les plus doux. Bonne année nouvelle, encore une fois. C'était Sylvie Vartan, un peu la Tino Rossi du Nouvel An. Voilà, fin du 102e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi la trouille, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure, archi loufoque et total foutrac bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi monsieur Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Bertrand Durand et de Sébastien Royer, merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable comme d'habitude. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Adèle Ponticelli, notre stagiaire. Pour tous les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. Juste un mot par rapport à la 100e de Panique qui était consacrée à France Inter. Vous avez été très nombreux à réagir et ça nous a fait très très plaisir. Merci beaucoup à vous. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, nous vous souhaitons une très belle année avec pour seul mot d'ordre, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct !